ça vaut la peine. Depuis tout ce temps, je suis impatient que ton cœur me vienne. Tu doutes un peu, je le vois beaucoup, ça ne me décourage pas. Je reste ambitieux, au garde à vous, prêt à tout comme un soldat. On peut toujours se poser des questions. À quoi ça sert de toute façon? La vérité nous attend là-devant. On peut toujours se trouver des raisons en laissant passer les saisons, au lieu de mêler nos futurs dès à présent. Ne m'en veux pas si je fais tout ce que je peux pour que tu m'aimes. Je suis impatient d'entendre tes je t'aime. Oh oui, je voudrais que nos vies soient les mêmes. On s'apprécie déjà plus qu'il le faut, le reste peut s'apprendre. Tu n'as qu'un seul mot à me dire et tes nuits seront transes. Bout de chemin, main dans la main, ne peut nous faire du mal. Et si c'est trop dur sans lendemain, je serai fair play et loyal. N'en veux pas si je fais tout ce que je peux pour que tu m'aimes. Futur dès à présent, tu n'as rien d'autre.